monsieur Werther. Adieu, père. Adieu, ma chérie. À cela ne souhaitons rien. Klopstock, viva Klopstock. L'extase magnétique, cela me paraît sans réplique. Vivat, Bacchus Saint-Père, vivat! Vivat, Bacchus Saint-Père, vivat, Bacchus! Vivat, Bacchus Saint-Père, vivat! Et qui donc a promis d'aller au Révado? Qui, moi, te laisser seul? Eh bien... Non. Je l'exige, Schmitt et Johann doivent attendre encore. Rien qu'un moment, alors. Au fait, promesse oblige. Je serai près d'elle, dès le lever.